marine en vert de gris. J'aime pas les confonds nationales, tous les nazis en général. J'aime pas Soura, les dieux donnés de petits cons invertébrés. J'aime pas la peau ni le conspiforisson et ses abrutis. J'aime pas les cons philosophiques en BHL soporifique. J'aime pas les cons du PSG en mode nazi au crâne rasé. J'aime pas les cons, les gros blaireaux autour de France, les petits vélos. J'aime pas les cons Paris-Dakar, automoto et gros camtars. J'aime pas les cons françaises des bleus, grattage idiot et tête de nœud. J'aime pas les cons dimanche et dans leur BM bien astiqué. J'aime pas les bofs tendance facho qui se font passer pour des impôts et qui crachent sur les femmes voilées au nom de leur laïcité. J'aime pas les bofs. J'aime pas les cons. J'aime pas les bofs. J'aime pas les cons. Le pénisé qui fait la chasse aux immigrés. J'aime pas les héros et ses avions. J'aime pas Vinci et ses gros cons. J'aime pas Frigide et ses barjots. J'aime pas Zemmour, tendance façon. J'aime pas Ayoub et ses lagis. J'aime pas leurs cons et ses torpilles. J'aime pas ma gueule quand elle est seule. J'aime pas mon fond de zoom. Des gueules, j'aime pas la justice du rasoir. J'aime pas les riches et leurs valets. J'aime pas les fonctionnarisés. J'aime pas le curé qui dit sa mère. J'aime pas le con qui se confesse. J'aime pas le ciel en vert de gris. J'aime pas nos jours qui sont comptés. J'aime pas les loups en plein Paris. J'aime pas ton sang sur le pavé. J'aime pas Jésus dans les mairies, le Père Noël et son foie gras.